c'est l'action, MDL connexion. Pas de protection, perce de Teflon, compare à personne. Donc je suis qui performe, performe en sternum. Mon mic est mortel comme un magnum. Son DJ met le vinyle sous l'aiguille et press play. Puis fâché, juste trop frais pour passer un de tes forces. Des fois que tu saches qu'on laissera plus de cicatrices que Pamela. Si tu laisses pas les hip-hop libres, Mandela. La demande est là. C'est pour ça que le MC devient la proie du braconnage industriel. Devient la chasse au contrat. Nous on est contre ça, contre ça. Ça fait trois grosses baffes juste pour être sûr que tu donnes pas, ça m'étonne pas. Deux MC sur trois soit des esclaves de label. La poche grande ouverte under the table. Faut que tu comprennes que le biz domine le show. Et qu'il y a trop de rockets dans l'eau qui veulent manger ton dos. Et je parle de celui-là. Sauf garde un œil ouvert qu'on vienne à bout des géants de cette industrie. Comme Gulliver, car c'est notre univers à nous après tout. À peu près tout ce qu'on a, so check ça. Nous on le protégera, le Gémeaux. Cherche pas à se prouver devant personne. C'est pour ça que je réponds plus aux haters, même s'ils me questionnent. Je leur laisse un choix de réponse. Ah, tu suces ma bite, bête, ce coin de ça. T'es wack, des fois je me dis que la mort tu mets. Yo, can you hang with me? VS Industrie. Essaie de boycott, you cut, mais le slag survit. J'ai mon armée, et l'art de l'armée. Tous mes niggas, débarquer dans ton garde, mon crew. Faut des stickies, tu m'entends rapide. Je redouce boost pour les triggers. Et si c'est toi que j'ai braqué, baby, oh, push the sickies. Je connais le VIA, je VIA, VIA. Celui qui se fia, des fois qui je te dis. S'il y a pas de gentil, ta VIA. Parti en requin, à moins que tu mors avant. Je suis underground dog, et mon A&R m'attend. Dans le parc avant, on a start le hit. Maintenant, je suis en liste de snitch, opportuniste. Mais les MC, je arsoniste. Fais en sorte que les forces unissent. Pour que le board s'attend qu'ils se forment subissent. We all in this, rock the rap down. Qui veut te mettre down? Yo, j'm'en fous, j't'ai curé, j'haïs le monde parce qu'il me prend. Quand j'vois ta gueule battre, ma haine manque. J'serais encore étrange, ces gens. Même à 36 ans, y'a rien de plus frustrant que ces gens. En franchissant, s'affranchissant, la morale j'passe sur fric. À part ça, ils s'en foutent, tous prêts à descendre l'autre. Faut se mentir, c'est ça que ça coûte. Faut que dans le bon sens, ça se développe. Watch quel sujet, on reste humble. On aime le cop, mais on aime pas le pop. Ça manque de sens, être mieux à l'aise, puis prendre les restes. J'veux faire ce que j'veux, puis être bien espèce. Faut que ça presse, le monde stresse. J'm'organise, j'garde mes distances en ce moment même. Quand j'touche le fond, j'prends à monter en puissance, visage défait, l'arme a séché, le mental assis, ça me fait assécher. Je rush et je passe aisé. Les moyens de Van Ouest, ils nous en parlent tellement, c'est de l'art seulement. Fais pas de l'art seulement, partiellement. Je dis rien après une critique, impartiellement. A tout ça, laisse-moi dire fort pour qu'il fasse fièrement. On parle fièrement, c'est rien, même, c'est rien, même. Si aucun bif, on est de mettre sur mon collègue. Si on t'étend, part, t'es l'offre, mon collègue. T'étends ses points avec colère, au date, pas de la même école. Je suis le gars qui est différent, qui rappe, jamais différent. Faut me différencier du gars qui est différent. C'est clairement, fuck les industries. Comme un éclair même mes industries. J'finis clairement où est-ce qu'elles s'instruisent. Jamais chuchote, tu brûles, j'fais plein de bruit. Comme si j'venais de buter. La rage monte, ça fait débuter. Fuck that, ici ça pue comme un chandail. T'es true lies, j'vais sur ton chandail. T'es trop large, fuck off, monte les contrats. T'es comptoir, enlève ta gueule sur le comptoir. Ton avocat aussi, y'a que des gars sales ici. Mais connaissant, avec le real shit, j'suis connaissant. Mais les bons sont les connaissants. J'rappe comme Conan, j'rappe comme si c'était la dernière fois. Dans la rue ailleurs, j'ai une dernière fois, une dernière. Donc je veux pas me faire fuck, ni me faire cross, ni me faire bop, ni me faire shot, ni me faire speed, ni me faire jack. Mon gars, je rappe sans rain, man. Pour l'acropole et love terrain, man. Le get my rain, man. Si ou get beef, nous pareil, man. Nous pareil, man. Nous pareil, man. Nous pareil, man. The man representing the fuss the shit with the villains on microphone. Rain, man. Comme une nonne qui pisse de bullshit. Moi ça rap c'est comme un juge sans préjugés. Le prison se black, la CIA se crack. Mais j'ai comme une rage against the machine. Des seringues je fiends. This man made the mess of the dream. Ayo, street de l'oxygène. Beef for no reason, beef for no system. Beat the streets aborigine, tea par le week-end. Puff puff non-stop, not funk punk high. Puff puff puff sans clap. Black the day, j'ai varié que jack. Pas des gueules, pas des gueules, que des gays. Des rappers, les blés de cartes comme les drags. Mais non j'peuve le rap, le syndicat. Nowadays I'm numb, docteur amatique. L'homme qui bouffe le cannabis, un truc dramatique. Comme les Christ, United, c'est cul. J'te salis de chef comme fait un doggy style. Une bitch grosse cupée qui tu payes, je suis sûr. The man representing, the fuss the shit.